Bonjour à toutes et tous, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le MAG. Et aujourd'hui, je vous emmène à la salle Francis Poulenc à Amboise, où s'est tenu le 12 juin un après-midi de sensibilisation aussi instructif qu'essentiel autour de l'AVC, accident vasculaire cérébral. Organisé par la CPTS Asclépios et la Maison de Santé de la Croix en Touraine, cet événement a réuni de nombreux partenaires, parmi lesquels le CCS d'Amboise, la Maison de la Solidarité Amboise-Château-Renaud, le service entourage de la Comcom du Val d'Amboise, la filière AVC du CHU de Tours, mais bien d'autres encore. L'objectif, mieux comprendre le parcours de soins de la première alerte aux suites post-hospitalisation et offrir des solutions aux patients comme aux aidants. Au programme, conférences, stands d'infos et témoignages, et bien sûr, nos micros qui étaient là pour capter ces temps forts. On écoute d'abord le docteur Anan, neurologue vasculaire au CHRU de Tours, qui nous explique comment reconnaître les signes d'un AVC et réagir rapidement pour sauver des vies. Bonjour docteur Anan. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'AVC et quels sont les signes avant-coureurs ? Alors, un accident vasculaire cérébral, c'est une pathologie qui touche les vaisseaux du cerveau. Ils peuvent soit se boucher, soit saigner et provoquent ainsi la mort de certains neurones et donc des signes cliniques. Il n'y a pas de signe avant-coureur. Un AVC survient brutalement et d'un seul coup, on perd une des fonctions cérébrales, soit du langage, soit on a une paralysie d'un hémicorps, le bras, le visage, la jambe. On peut avoir des troubles visuels ou d'autres symptômes, mais tout ça survient brutalement. Il n'y a pas vraiment de signe avant-coureur. Même en termes d'hygiène de vie ou d'habitudes alimentaires, où il n'y a pas des choses qui peuvent conduire à un moment donné à l'AVC ? Oui, alors vous voulez parler de tous les facteurs qui peuvent favoriser la survenue d'un accident vasculaire, ce qu'on appelle les facteurs de risque cérébro-cardiovasculaires. Et oui, effectivement, le fait de ne pas faire d'activité physique, le surpoids, le diabète, le cholestérol, beaucoup l'hypertension artérielle favorise l'accident vasculaire cérébral, etc. Ce sont des facteurs favorisants, mais on ne peut pas vraiment parler de signes avant-coureurs, mais plutôt de facteurs de risque de survenue d'AVC. Donc un AVC intervient, qu'est-ce qu'on fait ? Alors un seul réflexe, il faut appeler le 15. Voilà, faut bien noter l'heure de début de l'AVC et appeler le 15. C'est le seul réflexe à avoir. Et là, la personne est prise en charge et qu'est-ce qui se passe ? Elle est envoyée où ? Alors le SAMU va répondre à l'appel, se mettre en contact avec un neurologue et en fonction de sa situation clinique, si la suspicion d'AVC est confirmée, elle sera orientée dans une structure qui prend en charge les AVC aigus, le plus souvent une unité neurovasculaire dans un centre hospitalier. De votre point de vue, vous êtes confronté évidemment au quotidien à cette pathologie, si on peut parler de pathologie. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une méconnaissance de l'AVC ? Oui, je pense qu'on peut faire mieux en termes de connaissance des signes d'AVC et sur le fait d'alerter au 15. Et idéalement, il faudrait qu'un jour, il y ait à nouveau des grandes campagnes nationales pour informer sur ce sujet-là, parce que l'appel au 15 et l'arrivée dans une UNV ou dans une structure qui prend en charge et la première entrée dans le parcours d'un patient AVC est très important parce qu'on peut faire des choses. Plus on est précoce après les symptômes et plus on a d'actions possibles pour limiter les séquelles d'AVC. Il existe sûrement des plateformes pour pouvoir se renseigner, savoir quel geste faire justement. Je recommanderais toujours d'aller vers les plateformes nationales connues comme le site de l'assurance maladie qui détaille bien les traitements. Sur notre site de l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire, on a créé aussi une page sur l'accident vasculaire cérébral qui vous informe de tous les lieux et de tous les types de prise en charge proposés pour les patients victimes d'AVC. Et vous renvoie vers les bonnes pages de l'assurance maladie, des sociétés françaises neurovasculaires. Vous trouverez des informations fiables sur cette maladie. Très bien, merci docteur Anan. Merci. Place à présent au docteur Joël Crévoisier, médecin en soins médicaux et de réadaptation à la Ménaudière à Montrichard, qui évoque la rééducation post-AVC et les alternatives à l'hospitalisation longue durée. Joël Crévoisier, donc vous êtes médecin du SMR La Ménaudière. Alors SMR, vous pouvez déjà nous préciser ? Soins médicaux et de réadaptation. C'est que les patients sont de plus en plus lourds et que la partie médicale est importante, donc on l'intègre dans notre nom. Avant, on s'appelait soins de suite et réadaptation. Et maintenant, le médico fait que ça montre que les gens sont de plus en plus lourds médicalement. Vous pouvez nous parler un petit peu de la prise en charge post-AVC ? Comment ça se passe à la Ménaudière ? Alors, dans une première étape, les gens sont évalués. Ça, c'est important de faire comprendre aux gens et aux familles que la rééducation ne commence pas tout de suite. Il faut qu'il y ait une évaluation Alors une évaluation dans les différents domaines qu'on utilise, c'est-à-dire la partie motrice, la partie cognitive, la partie liée à la déglutition, la partie liée au langage, la partie liée à l'activité physique, liée également à la diététique et sur l'aspect social également. Et ensuite, à partir des bilans, débutent les programmes de rééducation. Et quand les gens ont passé la partie de rééducation et que le progrès ne se fait plus beaucoup ou pas beaucoup, on passe à la partie réadaptation, ce qu'on appelle la compensation du handicap. Vous parlez de la famille, elle est très présente dans ces moments-là. La Ménaudière, c'est un lieu où on peut venir visiter des patients qui sont suivis. Alors la famille, oui, tout dépend de ce qui s'est passé avant. Est-ce que les patients avaient une famille liée ou proche? Et là, à ce moment-là, les liens continuent à se faire. On a quand même beaucoup de personnes isolées. On a beaucoup de personnes isolées. Il y a une certaine précarité sociale et ça pose un vrai problème pour l'après. Est-ce que les gens peuvent rentrer à la maison sans aide? C'est toujours difficile. Mais là aussi, on a l'idée de mettre en place des visiteurs, qu'on appelle les visiteurs hospitaliers, qui permettent de, notamment de venir voir et soutenir les gens qui sont isolés socialement. Est-ce qu'il y a des alternatives à l'hospitalisation? Est-ce qu'on y est tous les jours comme dans un hébergement finalement? Est-ce qu'on est hébergé par l'hôpital ou est-ce qu'il y a des hospitalisations de jour? Alors il y a trois modes d'hospitalisation. Il y a l'hospitalisation complète. Les gens restent et dorment avec nous, c'est-à-dire qu'ils restent à peu près sur une période de 2 à 3 mois. Et les gens, ce sont en général les gens qui ont une dépendance lourde ou les gens qui ont des problèmes médicaux importants. Deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle l'hôpital de jour. L'hôpital de jour, les gens viennent en rééducation la journée, repartent le soir chez eux. Et en général, la prise en charge, elle se répartit entre 3 demi-journées par semaine de prise en charge de rééducation. Alors c'est évidemment moins intense que l'hospitalisation complète. Et troisième alternative, c'est l'hospitalisation à domicile de réadaptation. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'après une période d'hospitalisation complète, les gens, plutôt que de faire de l'hôpital de jour, ils rentrent chez eux et continuent la rééducation à domicile avec la venue d'un rééducateur une fois par jour, 5 jours sur 7. Ça dépend un petit peu, le choix de ce mode d'hospitalisation est fait en fonction de l'évolution du patient, de ses progrès. Si le patient nécessite une adaptation du domicile, et donc c'est le mieux, c'est que le patient rentre chez lui. Quand les patients sont très adaptés chez eux, qu'ils ont des aidants, à ce moment-là, on privilégie plutôt l'hôpital de jour qui est un peu plus intensif. L'âge des patients, il est tout à fait variable, j'imagine. Alors, excellente question. Moi, j'ai fait la moyenne. Alors, dans mon secteur neurologie, donc plutôt des AVC, aujourd'hui, la moyenne d'âge des patients est de 72 ans, en hospitalisation complète. Oui. Parce qu'en hospitalisation de jour, c'est différent? Ils sont probablement un peu plus jeunes. Oui. On n'a pas fait les stats, mais les gens sont plutôt plus jeunes qu'en hôpital de jour. Alors que l'hospitalisation domicile, j'aurais plutôt tendance à dire qu'ils sont 70-75 ans. Mais je n'ai pas les stats, alors que je les ai faites en hospitalisation complète. Donc vous, Joël, vous faites votre travail de médecin. Est-ce qu'il y a une équipe qui aide le patient au niveau psychologique? Parce qu'on imagine évidemment les séquelles psychologiques qu'un AVC peut laisser. Oui, alors on a deux modes de prise en charge sur le plan psychologique principal. La première, c'est la présence d'une psychologue à temps plein qui là s'occupe de la partie émotionnelle, morale, soutien et évaluation de la difficulté à vivre tout cela. On a également une neuropsychologue à temps partiel. La neuropsychologue, elle, agit plus particulièrement sur l'aspect cognitif, l'aspect intellectuel de la chose, mais agit également sur la partie émotionnelle et comportementale. Et puis, sachez que, de toute façon, les rééducateurs, les soignants, les aides-soignantes, les infirmières, par leur expérience et leur expertise, prennent en charge également et soutiennent les gens par leur écoute. C'est tout le travail d'équipe. C'est tout le travail d'équipe que l'on s'efforce de faire, notamment avec les rééducateurs, les soignants. Et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle le travail pluridisciplinaire, qui aujourd'hui, dans les centres de rééducation, sont primordiaux. On ne travaille pas tout seul, c'est fini. Les médecins ne travaillent plus tout seuls, ils travaillent en équipe. Alors, je vous ai mangé un petit peu de votre temps, Joël Créboisier. Je vous en remercie, mais j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez des nouvelles des patients qui quittent l'établissement par la suite ? Oui, parce qu'il existe ce qu'on appelle des consultations post-AVC, ce qui fait qu'on suit les patients à 6 mois, 1 an, 2 ans. Et il y a également l'hôpital de jour, puisque aujourd'hui, un médecin d'hospitalisation complète continue à prendre ses patients en hospitalisation de jour. Donc, on garde le lien. C'est assez intéressant parce que vous voyez, dans des événements comme celui-ci, ben, les gens viennent parce que ça les intéresse de savoir un petit peu quelles sont les innovations. Ils viennent nous voir et ils nous saluent. Et puis, on a des nouvelles des patients. Ouais. Et notamment, l'exemple récent, une de nos orthophonistes, son ancien patient voulait absolument la rencontrer, d'autant que le patient présentait des troubles de déglutition et il était très intéressé par le programme d'éducation thérapeutique pour le patient, notamment présentant des troubles de déglutition, qui doit s'ouvrir pour les gens venant de l'extérieur dès le mois d'octobre 2025. C'est coordonné par le service d'orthophonie de l'établissement La Menaudière. Très bien. Et on peut se renseigner où ? Alors, on peut se renseigner auprès de l'établissement La Menaudière. Et il y a un numéro de téléphone qui est le 02 54 71 19 28, qui est le service d'orthophonie, où effectivement, on peut en tout cas commencer à se renseigner, appeler ce numéro. Si le patient lui-même ou ses proches notent en tout cas des difficultés ou une aggravation des troubles de déglutition, moi je vous engage à effectivement à appeler ce numéro et à partir de la rentrée, on pourrait proposer un programme d'éducation thérapeutique sur les troubles de déglutition. Très bien, eh bien, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Joël Crévoisier, je rappelle que vous êtes médecin du SMR La Menaudière. Merci. Et on retrouve à présent un témoignage poignant, celui de Frédéric, victime d'un AVC, qui revient sur son parcours de vie, ses progrès et le rôle de l'accompagnement médical et humain. Bonjour, alors moi je m'appelle Frédéric, j'ai fait un AVC il y a 15 ans. Un AVC hémorragique suite à une malformation artério-veineuse. Et alors, dans quel état cet AVC vous a mis ? Alors, j'étais 2 mois dans le coma et après, j'étais hémiplégique du côté droit et aphasique. Donc, aucune sensibilité d'un côté du corps. Et pour m'exprimer, c'est très, très difficile. J'avais les mots dans la tête, mais je n'arrivais pas à les sortir. Voilà, vous l'expliquiez tout à l'heure lors de votre intervention publique. On vous chatouillait sous le pied, aucune sensation. On vous demandait ce que vous avez mangé. Vous étiez capable de le décrire à partir de couleurs, mais oui, les mots ne sortaient pas, même s'ils étaient bien en place, et ça ne sortait pas. Mais là, aujourd'hui, vous êtes debout. Et j'ai presque envie de dire tout va bien. Vous êtes en super. On va dire presque, oui, sur le principe, oui. Bah, j'ai toujours le côté droit qui ne fonctionne pas bien. Je ne peux pas écrire de la main droite, moi qui étais droitier. Ben, j'ai appris à écrire de la main gauche. Et puis au niveau de la parole, ben, la rééducation m'a permis aussi de reprendre une parole plutôt correcte, on va dire. Et puis, bon, j'étais très bavard avant, donc il fallait bien que je puisse continuer à parler. Et vous avez pu reprendre le travail ? Oui, je me suis bagarré pour ça aussi, parce que c'était, au départ, on me disait, non, retraite pour invalidité. Donc moi, à 41 ans, c'était difficile d'accepter ça. Je me suis bagarré pour réussir à reprendre le travail. Et d'abord en occupation thérapeutique volontaire, puis en temps partiel thérapeutique. Et maintenant, je suis sur poste adapté, toujours dans l'éducation nationale. J'étais chef de travaux à l'époque, un directeur délégué aux formations. Et maintenant, je travaille pour un service du rectorat, mais à la direction académique de Tours. D'accord. Et entre le moment où est intervenu cet AVC et le moment où vous avez pu reprendre le travail, il s'est passé combien de temps ? Mon AVC, je l'ai eu en 2010, 27 janvier 2010, et j'ai repris fin 2013. Donc 3 années de rééducation, de réadaptation, de travail acharné quotidien ? Alors j'avais 3 séances d'orthophonie par semaine, donc 3 quarts d'heure, et 3 séances de kiné, une demi-heure chaque semaine, et une séance d'ergothérapie, 1 heure par semaine. Vous êtes un battant avec une forte volonté. Oui, je pense qu'une volonté, c'est ça. Battant, je ne sais pas. Je pense que oui, puisque sinon, je n'aurais pas essayé de faire tous ces efforts. Mais c'était important pour moi de pouvoir justement récupérer au mieux ce que je pouvais récupérer. Il y a quelque chose d'important que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'on ne parle pas assez de l'AVC. Oui, parce qu'on fait plein de campagnes, et je n'ai rien contre, hein, bien au contraire, toutes les campagnes pour les différents cancers, pour l'infarctus du myocarde, et je serai très bien, mais au niveau campagne nationale, pour l'AVC, il n'y a rien. Quand on voit qu'il y a un AVC toutes les 4 minutes en France, 150 000 personnes qui font un AVC en France. Le nombre de personnes qui décèdent ou qui sont handicapées plus ou moins de manière importante. Je trouve ça quand même dommage que les pouvoirs publics au niveau national ne se mettent pas en état de marche pour ça, quoi. Heureusement qu'il y a plein de des associations. Au niveau local, là on le voit, le CHU qui est une filière AVC, etc. Heureusement, parce que sinon on est très seul. Moi, quand j'ai fait mon AVC, l'association n'existait pas. Quand je suis sorti du centre d'adaptation, on m'a dit faut trouver un kiné, un orthophoniste, un ergothérapeute, et puis au revoir. Vous avez pu compter sur votre entourage ? Oui, j'étais soutenu par mon ex-femme maintenant, et puis mes parents, voilà. Mais c'est vrai que on se sent très seul. Et même pour la famille, parce que c'est difficile de savoir, même pour l'entourage, de savoir comment et réagir par rapport aux malades, entre guillemets. Parce que moi, je l'avais le cas avec mes enfants qui avaient 11 et 14 ans. C'était leur dire, mais laissez-moi essayer et après, je vous demanderai si j'y arrive pas. Parce qu'ils me protégeaient tellement, ils essayaient d'anticiper avant même que j'en ai besoin. C'était très gentil de leur part. J'étais adorable. Comme on ferait avec un enfant, quelque part. C'est tout à fait ça. Ils voulaient me protéger au maximum. Mais à un moment donné, il faut aussi que... on nous laisse essayer, alors pas pour se mettre en danger, c'est le côté important. C'était le cas pour la conduite, par exemple. J'ai pu le faire parce que je n'ai pas de problème au niveau de la vue. Et en fonction des AVC ou les gens qui sont plus latéralisés, ils ne peuvent pas, ils ne voient pas un côté du corps, c'est dangereux de conduire. Donc certes, c'est important d'y faire très attention. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous l'évoquez, donc vous conduisez avec une voiture adaptée et oui. Tout va bien. Oui, alors je ne fais pas 500 km, mais bon, j'arrive à conduire jusqu'à Orléans, jusqu'à Bourges. Bon, je ne suis pas toujours très, très à l'aise. Je ne fais pas de performance. Voilà. Ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc aujourd'hui, votre exemple montre bien qu'il ne faut jamais perdre espoir. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut rester conscient, confiant. La vie n'est pas finie. On peut faire plein de choses, on peut évoluer, et puis on recentre un peu ses priorités aussi. On voit les choses de manière différente. Il y a des choses qui étaient importantes, qui le sont moins, et puis d'autres qui sont plus importantes qu'avant. Donc ça, c'est vraiment important. Vous avez vu, moi, je suis même grand-père maintenant, donc j'ai deux petites filles, dont une qui a bientôt 10 ans. Hein, donc vous voyez, ça... voilà. Donc non, mais si j'avais pas survécu, je les aurais pas connues, ce qui aurait été dommage. Quoi, donc, Merci beaucoup Frédéric pour ce beau témoignage. De rien, merci beaucoup. Et enfin, on écoute Marie-Laure Badet, coordinatrice de la CPTS Asclépios, pour un bilan de cet événement. Marie-Laure est la coordinatrice de la CPTS qui succède à Aude, que nous avions l'habitude d'entendre à l'antenne. Alors petit rappel de ce qu'est la CPTS. Bonjour Marlène. Alors la CPTS est une association qui est basée sur Amboise, une association qui est organisée par des professionnels de santé libéraux en activité. Et nous avons trois salariés et nous menons des actions, des missions de santé en fait sur le territoire, comme de la prévention, mais aussi de l'attractivité en fonction des besoins du territoire. Tout part en fait du diagnostic et des besoins qu'on a avec les patients. Et donc là, le diagnostic vous amenez à mettre en place cette journée sur le forum de l'AVC. Alors ça, c'est une initiative qui a été prise et que vous avez mis en place avec la maison de santé de la Croix-en-Touraine. Entre autres, en fait, nous, on a initié ce projet avec Aude Leloup, donc l'ancienne coordinatrice, et on a un groupe de travail. On a vu qu'il y avait une nécessité sur le territoire de faire de la prévention sur ce sujet-là, et donc on a mis les partenaires autour de la table pour proposer ce forum, donc ce jeudi après-midi, où on a eu quand même un bon succès. Donc il y avait 21 partenaires en tout qui sont venus présenter leur structure et qui sont intervenus sur 4 conférences différentes pour faire un maximum de prévention. Et puis il y a l'avant, un peu AVC, les prémices, le pendant, l'après, la convalescence. Et voilà, et puis on a eu une cinquantaine de personnes. Une réussite, donc peut-être une initiative à renouveler. Sans doute, oui. Toujours en fonction des besoins du territoire, nous mettrons en place des actions en cohérence. On se retrouve bientôt à la rentrée pour reprendre le créneau Santé chez vous ensemble. Oui, avec grand plaisir Marlène. Et avec plaisir également. Merci Marie-Laure. Merci, au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce mag consacré au forum AVC, une initiative essentielle pour mieux comprendre, prévenir et accompagner cette urgence médicale. On retiendra que chaque minute compte face à un AVC et que l'information, la prévention et la coordination sont les meilleures armes pour sauver des vies. Retrouvez le podcast de cette émission sur notre page Facebook et n'hésitez pas à le partager autour de vous. À très bientôt sur Radioactive.